Zone Mag vous est présenté par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Zone Mag. Ça va bien, Karine? Oui, toi, Steve? Fatigué, grosse fin de semaine, mais ça va. On va survivre? Oui, pas le choix. Hein? Ça va être encore plus gros l'année prochaine. Que... Ouais! moi, je vais y aller tout de suite avec... l'album C2C Tetra, que ceux qui connaissent peut-être, vous avez sûrement entendu à la radio la chanson Down the Road, qui joue énormément à la radio et qui est assez populaire. Excellente aussi. Effectivement. Le reste de l'album ressemble quand même à cette chanson-là. C'est pas mal dans les mêmes styles. C'est beaucoup électronique. C'est beaucoup peut-être plus axé discothèque. Puis, OK. C'est intéressant, ça vaut la peine pour ceux qui aiment, tu sais, dance, électro. C'est plusieurs styles aussi, hein, styles mélangés. Ouais, c'est ça, c'est pas uniquement ça se ressemble du long de l'album, mais c'est quand même assez différent d'une chanson à l'autre, fait qu'on n'a pas l'impression de tout le temps écouter la même chanson. OK. Là. Donc malheureusement, avec la fin de semaine du H2O, on n'a pas eu énormément de temps pour écouter les CD parce qu'on travaillait au festival, puis on écoutait les spectacles pour vous en parler. Donc malheureusement, je l'ai écouté juste une fois, mais j'ai bien aimé l'écoute que j'en ai fait. Puis je savais pas que c'était C2C qui faisait Down the Road. Quand j'ai entendu la tune, je disais, c'est eux autres qui font ça. C'était le fun. Fait que on va y aller avec des extraits de C2C Tetra. No, you won't. Until you try, you'll never feel happy. B-E-A-T. Whatever needs to be done. Let's get on with the job. La chanteuse Ciara sort un cinquième album, dont l'album s'appelle aussi Ciara. Elle sort un premier album en 2004. Avec Goodies, dont trois singles qui l'ont propulsé déjà au sommet avec One Two Step, Goodies et Oh. Un deuxième album suit en 2006 avec The Evolution, dont lui aussi obtient beaucoup de succès auprès des fans. Par la suite, il y a eu deux autres albums qui ont suivi en 2008 et 2010, qui se nomment Fantasy Ride et Basic Instinct. qu'eux ont passé un peu plus incognito, possiblement parce qu'ils ont été moins aimés ou whatever. Fait que elle revient en force aujourd'hui avec son cinquième album. La chanteuse s'est entourée de plusieurs producteurs et auteurs-compositeurs comme It Boy, Sounds, Diane Warren, Tricky Stewart, puis The Underdogs. Les deux premiers singles de l'album sont Sorry et I'm Out, qui est en duo avec Nicki Minaj, qu'on entend déjà à la radio présentement. Moi, pour ma part, je connaissais déjà les albums d'elle qu'elle avait sortis. Donc, j'étais déjà, sans être une grosse fan, mais tu sais, j'aimais bien ce qu'elle faisait. Puis, avec cet album-là, j'ai aussi, tu sais, j'ai vraiment apprécié parce qu'il y a beaucoup, elle vogue de plusieurs styles. Tu sais, elle va aller du R&B, après ça, elle va aller un petit peu plus dans le dance, après ça, elle va aller dans le hip-hop, après ça, plus dans le populaire. Fait que ça fait quelque chose d'intéressant parce qu'on a pas tout le temps l'impression d'écouter comme le même genre de chansons. Sur cet album, on y retrouve justement deux pièces en duo avec Nicki Minaj et aussi deux autres productions qui ont été faites en duo avec B.O.B. et Future. Voici des extraits de l'album Ciara avec son album Ciara. Ladies, it's your song, so as soon as this come out, you should get out on the floor, go and get your sexy on. If you know that you better than a new girl daddy on, go ahead and tell them now, you gon' miss me when I'm gone, gone. Ayo, Cece, let me show you how to do a singing bitch greasy. You was by Lennox, you're the one on Peachtree. I was with Dimitri, see you when you're loving hip-hop men DC. Fuck these petty niggas, is a bitch motto. On avait aussi Campe Segundo qui sortait l'album Guantanamera, The Essential Album. Et dans le nom, ça le dit, c'est quoi le style de musique là? C'est de la musique latine. C'est excellent pour la température qu'il fait aujourd'hui. Là. c'est toutes des reprises de chansons qui sont déjà connues. Justement, comme exemple, Guantanamera, qui est une chanson que tout le monde connaît. Là. Oui. Dans ceux de cet album-là, je crois que c'est probablement peut-être la plus populaire, celle qui a eu le plus de succès. Puis c'est toutes des reprises comme ça, avec toute la musique latine. C'est un excellent album. Ça vaut vraiment la peine d'être écouté. J'ai vraiment aimé l'écoute que j'en ai faite. La seule que j'ai faite d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qui vaut... si vous aimez la musique latine, si vous aimez les rythmes un peu plus... je vais dire mollo, là, tu sais, mais... ça, c'est quelque chose qui va vraiment plaire à certains, surtout comme je dis, là, tu sais, durant l'été, là, puis... On se laisse plus aller, soit avec... Sur le bord de la plage, les soirs, avec... sur le bord du feu, avec la bière, au pire, là, tu sais, c'est... ça passe très, très bien, donc... on va vous faire écouter quelques extraits de Campe Segundo avec l'album Guantanamera, The Essential Album. Llévame la bata al toro, yo te voy a acompañar para ver la fortaleza que demuestre ese animal. Llévame la bata al toro. Era una cleptomana de bellas ruplerías, robaba por un goce, desde ti hemos nunca. L'auteur, compositeur, interprète américaine Sarah Bareilles sort un cinquième album en carrière. On la découvre avec la pièce Love Song qui est sur l'album Little Voice et qui s'est rendue au top 1 du Billboard Pop 100. Dans la même année, elle sort un album live qui s'intitule Between the Line, Live at the Fillmore. À la base, c'est un album qui est passablement mollo, mais qui s'écoute extrêmement bien. Moi, personnellement, je la connaissais déjà, puis j'adore son style. Il ressemble un peu à Colby Kaya ou, tu sais, des artistes peut-être qui vont être un petit peu plus soft, mais que tu vas embarquer dans l'album du début jusqu'à la fin. J'adore sa voix, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Pour conclure, je vous le suggère fortement, voici des extraits du nouvel album de Sarah Bareilles, Blessed Unrest. You can be amazing, you can turn a phrase into a weapon or a drug. You can be the outcast, be the backlash of somebody's lack of love. Or you can start speaking up. Nothing's gonna hurt you the way the words do when they settle near your skin. Kept on the inside and no sunlight. myself sitting on a graveyard shelf as the echo of heartbeats from the ground below my feet filled a cemetery in the center of Queens. I started running the maze of the names and the dates on my feet now. It is a calcifying crime, it's tragic. I've turned to petrified past life baggage. I want to disappear and just start over. So here we are, and I'll breathe again. Cause I settled in my heart and storm. Now I'm finally alone and dressed for the show, but going nowhere. They don't need to see me crying. I'll get my little black dress on, and if I put on my favorite song, I'm gonna dance until you're all gone. Let me paint a picture for you, I'll have to teach you to see it. Illustrate the remnants of the life I used to live here in Eden. Roll the lucky pair of dice, ended up in paradise. Dans les autres nouveautés musicales, on avait dans le hip-hop Ace Hood qui sort l'album Trials and Tribulation. On avait aussi dans le pop rock Mayor Hawthorne qui sort l'album Where Does This Door Go. Toujours dans le pop rock, Matt Nathanson avec Last of the Great Pretenders. Les Pet Shop Boys avec l'album Electric. On a aussi Sick Puppies avec l'album Connect qui comprend 4 pistes bonus. On a aussi Cody Simpson avec Surfer Paradise. Dans le country, on a Courtyard Hounds qui sort l'album Amelita. Et dans le jazz, on a un album d'artistes variés qui est Verve Remixed First Ladies. Probablement toutes des filles qui font du jazz. Et dans les trames sonores, on avait celle de du film Teen Beach. Dans les nouveautés DVD, cette semaine, on retrouvait du côté horreur, Opéra de la Terreur, un film qui existait déjà, mais qui est le remake finalement. Côté drame, on a 42, l'histoire de Jackie Robinson. Et on a du côté action du plomb dans la tête. Dans les jeux, on a Dynasty Warrior 8 qui sort pour PS3 et Xbox. On a aussi Turbo Super Stunt Squad qui sort pour la Wii et la DS. On avait dit qu'on vous parlerait du festival H2O. Un petit retour. Sur les spectacles qui se donnaient, qui étaient d'excellents spectacles. Puis moi, j'ai parlé avec certaines personnes de l'organisation, puis ça a été une des... Même des la plus grosse année qu'ils ont eu dans les... c'est 7e édition qu'il y avait cette année. C'était déjà 7 ans, il me semble que ça a passé vite. Là. Vraiment? Mais c'est ça. Le fait est que c'était la plus grosse année dans les 7. C'est sûr que les premières années avec la pluie, ça l'aide pas. Là, mais là, c'est... On a été très chanceux avec une très belle fin de semaine. Oui, j'ai la preuve que le soleil était présent. Là. À la radio, vous le voyez pas, mais je pleume en masse. Mettez-vous de la crème solaire. On avait mercredi, il y avait le show de Bob Bissonnette qui était là. Auquel j'ai assisté. Déjà une 6e présence à Amos. Oui, c'est un habitué de l'Abitibi. Oui, puis je pense qu'il aime ça aussi. Hein? Oui, ben, les gorgées se font très régulièrement. Oui, hein? Et avec la foule aussi. La foule embarque, fait que, tu sais, c'est... C'est dur de donner un mauvais show dans ce temps-là. C'est ça. Le monde était à 100% là, puis c'est ce c'est ce qui était le fun, parce qu'on n'avait pas le goût de le laisser aller, là. C'est ça. Continue. J'avais déjà vu Bobby Sonnette en spectacle, je savais c'était quel genre de musique qu'il fait, j'ai ses albums à la maison aussi. J'étais un peu réticent au fait que ça soit la Maison des Jeunes qui invite Bob Bissonnette. Pour ceux qui connaissent la musique, tu sais qu'il y a peut-être certaines chansons qui sont un peu plus crues. Ouais, ouais. Qui, peut-être pas. Parce que, tu sais, la Maison des Jeunes, je dirais la musique de Bob, c'est peut-être 16 ans et plus, mettons. Là, ouais. Pour certaines chansons. Il y en a d'autres qui passent très bien. Ouais, ouais. Mais il y en a quelques-unes que c'est facilement 16 ans et plus. Là. Fait que je me dis que les jeunes qui vont à la Maison des Jeunes, qui ont 12, 13 ans, c'est peut-être pas la meilleure musique. Personnellement, c'est mon avis. Oui. Il y en a peut-être que ça dérange pas qu'ils écoutent. Ah, oui. Mais sinon, excellent spectacle. Puis moi, j'ai vraiment même la deuxième partie. Ben, le groupe qui assistait par la suite aussi a donné une très belle performance aussi. Brainwash, qui vient d'Amos. Oui, moi je l'ai pas vu, je sais pas si t'es y assisté. Oui, moi j'ai assisté jusqu'à la fin, puis honnêtement, ils ont pris, c'est plus style alternatif, eux, qu'est-ce qu'ils font, mais ils ont pris vraiment des gros succès de cette musique-là, puis honnêtement, très bon show aussi, la tente a resté, il y a beaucoup de gens qui ont resté en dessous de la tente jusqu'à la toute fin. Là. C'est le fun, ça, surtout ouais. Pour les artistes locaux, ça les encourage beaucoup dans ça ce temps-là. Ça leur donne une belle visibilité aussi, hein. Aussi Dylan Perron qui était là, je pense. Samedi. Le samedi. Oui. Celui aussi qui est excellent puis qui roule sa bosse très bien. Oui, oui, oui. Puis c'est un petit gars d'Amos. C'est ça. Hein? Lamotte. D'Amos. Lamotte. Ben, ça... Peut-être, en tout cas. En tout cas, bref. Un petit gars de la région. Super le fun. Yes. On y souhaite encore bien ben du succès. Oui. Jeudi, c'était le spectacle de Cire Pathétique et Another J. Cire Pathétique, que je n'écoute pas beaucoup, mais que tu sais, je connais les plus populaires qui ont joué à la radio. Sinon, aussi, il y avait une bonne. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient. La tente était pleine. Full. Pleine. Puis là, quand tu dis pleine, c'était de la misère à passer parce que tout le monde est collé. Puis c'était vraiment le fun. Puis c'est ce qu'il disait, lui, ça faisait très longtemps qu'il n'était pas revenu. Puis il était bien content que le monde ait embarqué autant avec, avec ses chansons. Puis, je pense que vraiment sa première visite ici à Amos, c'était venu dans le coin de Rouen. Oui, c'est ça. Rouen ou Val-d'Or, je me souviens plus trop, mais je pense que c'est ça qu'il disait. C'était vraiment sa première fois à Amos. Fait que puis, c'est le fun parce que ça va lui donner le goût d'en venir. oui. Puis il avait fait l'annonce aussi qu'il faisait avec son partenaire que j'oublie le nom. Billy Nova. Voilà, et qui sortent un nouvel album. Cet automne. Un nouveau groupe ou... C'est Mauvaise Fréquentation. Ouais, c'est ça. Qui sortent un nouvel album, ouais. Donc pour les intéressés, Mauvaise Fréquentation. Ça va être à suivre. Par la suite, on avait Another J, qui n'a plus besoin de présentation. Non, hein? Qui a fait sa place aussi dans le domaine, on s'entend. Oui, donc excellent show, comme d'habitude. Moi, je l'avais vu l'année passée ou il y a deux ans, je pense, ouais. Au Rotary. Ouais. Puis je l'avais rencontré aussi à la pré. Hein? Oui, c'est ça, j'avais rencontré par la suite. Puis c'est quelqu'un qui est vraiment proche de son public, terre à terre. T'sais, c'est un gars ordinaire. Oui. Là, c'est un... Puis il a même fait chanter son fils de 5 ans. Oui, oui. Hey. Ça, c'était ça devait être cute, ouais. Hein? Oui. J'ai des photos de ça. Ah oui? Oui. le vendredi? Vendredi, les Vikings. Excellent spectacle. Hey, que dire? C'est wow. C'est juste wow, c'est ça. C'est vraiment, ça allait combler autant la nouvelle génération que les plus vieilles. Écoute, t'avais vraiment de tout. Pink Floyd, Zachary Richard. Attends. Oui, ils ont fait Jean-Marc Couture qui a fait sa chanson à lui aussi. Ouais. On a Eva Avila qui a fait Run to the Hill de Iron Maiden. Oui. J'avoue que j'en parle puis j'en ai encore des frissons. Là, ah c'était... ouais, écoute, je pense que c'était pas un. Ben oui, un des meilleurs. Parce qu'ils ont tous été bons. Là. Oui, mais moi, là, qui m'a accroché, ouais. Là, c'est vraiment. Celui-là m'a accroché le plus. J'ai assisté au spectacle. J'avais réservé les spectacles. Je ne travaillais pas durant les spectacles pour pouvoir prendre des photos. Si vous avez la chance, allez sur la page Facebook du Festival H2O. J'ai à peu près une centaine de photos que j'ai prises qui sont sur le site. Y en a qui sont assez... Ah, sûrement. Il y en a une, entre autres. Je les ai postées hier soir, puis à date, il y en a une que j'ai prise de Eva Avila qui a... Elle regarde vraiment l'objectif quand je prends la photo, puis je pense que c'est elle qui a le plus de likes, là. Tant mieux. Écoute, puis il y avait aussi Trip à 4 qui poursuivait la soirée après les Vikings. Oui. Que eux aussi étaient dans le même style de spectacle. Un peu du tout récent, là, du Coldplay aller à peut-être plus vieux, mais écoute, eux aussi ont gardé vraiment la foule accrochée à eux jusqu'à la toute fin du spectacle, là. C'était vraiment super de les voir aller. Ensuite, samedi. Patrick Normand. Lui non plus, plus besoin de présentation. Non plus, hein? Après, quoi, 40 ans peut-être? une bonne carrière en avant de lui, hein? Il a fait, évidemment, tous ses plus grands succès. J'ai pas eu la chance d'aller le voir, mais je me suis fait dire qu'il y avait... C'était bondé de monde. J'ai travaillé sur la sécurité, puis j'étais aux grilles, aux entrées, en haut. Fait que j'ai vu le spectacle de loin. Puis, 8h30, ça commençait. Ouais. Puis à 7h, il y avait du monde qui s'installait pour voir. C'est la journée où est-ce que le monde a rentré le plus de bonheur. Puis ça rentrait beaucoup de bonheur. Ben oui, là, c'est ça. Pour être sûr d'avoir leur place. Pour être sûr d'avoir leur place parce que c'est un public un peu plus âgé. Ouais. Il y en a beaucoup qui s'apportaient des chaises pour pouvoir s'asseoir. Puis, mais non, c'est il est toujours aussi en forme, surprenant. Il a une belle présence aussi. Hein? Très belle très présence généreux, sur scène. Hein? Il fait des blagues. On voit qu'il y a vraiment une belle chimie avec son public. Avec son public. Puis avec le groupe. Il aime ça aussi. Hein? Puis il y avait une nouvelle violoniste. Je ne sais pas si c'était. Je pense, oui. Il a dit que c'était son baptême. Fait que c'est son premier show à elle, avec le groupe. OK. Donc, il l'a présenté. Puis Ils n'ont pas choisi n'importe qui, là, à tirer du violon. Mais non, c'était très, très, très bon spectacle. Là. Ça valait... Encore une belle... les fans de Patrick Normand, ben là, oui. ça valait vraiment la peine. Là. Encore une belle année devant eux, H2O. Ils vont mettre encore la barre haute pour le centième. Prochaine. C'est le centième de la ville d'Amos. C'est sûr qu'ils vont... J'ai bien hâte de voir qu'ils vont nous cacher. Je dévoilerai pas de chiffres parce que, bon, c'est... C'est de l'argent, là, c'est du monétaire. Mais étant donné justement tu sais, que je jouais un peu avec la direction. Avec l'organisation. Je sais que c'est une très grosse année. Ils s'étaient donné des objectifs parce qu'ils ont une nouvelle présidente cette année pour le festival. Ils s'étaient donné des objectifs, puis ils ont dépassé leurs objectifs. C'est sûr, hein? Et de beaucoup. Donc, puis écoute, avec la belle température. Le monde ont juste, ben pas juste ça à faire, mais ils ont encore plus le goût d'y aller parce qu'écoute... Il y avait beaucoup de nouvelles activités qu'il n'y avait pas dans les autres. Je sais que le surfer, la Ricana, ça a marché beaucoup. C'est clair qu'on va le revoir l'année prochaine, je suis convaincu. La course, le 1 km, 5 km, 10 km, ouais, demi-marathon, ça a marché énormément. Même qu'au souper des bénévoles, ils disaient que on devrait organiser une course, ça va être facile. Ils se sont rendu compte que c'était un petit peu plus d'ouvrage que ce qu'ils avaient imaginé, mais je pense que ça valait la peine, puis je suis presque sûr que l'année prochaine, ça va se retrouver là encore. Là. Le monde a embarqué, ils ont aimé ça. C'est le fun quand justement tu as de la participation comme ça, ça te donne le goût d'aller faire d'autres choses puis de te dépasser encore plus. Oui. Donc, c'est... On vous laisse là-dessus? Oui, déjà tout. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir, bonne semaine. Bye. Zone Mag vous est présentée par Mag Music, votre disquaire à Amos depuis plus de 24 ans.